بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Je sais que je n'ai pas pour habitude de faire d'assises après le Isha, le vendredi soir, mais aujourd'hui exceptionnellement, on va aborder un sujet important. Parce qu'un frère m'a posé une question aujourd'hui, après Salat al-Jumu'ah. فجاءني أحد إخواننا يسألني بعد الجمعة هل يجوز لنا أن نغتسل في ثيابنا حياء من الله. Il m'a demandé est-ce qu'il nous est permis de faire le roussel, de prendre la douche avec nos vêtements par pudeur envers Allah tabaraka wa ta'ala. Alors ensuite il m'a cité une preuve que cela a été rapporté de certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَذَكَرَ لِأَنَّهُ نقل هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاءني بهذا الكتاب. Il est venu avec ce livre. Ce livre que je pense que beaucoup connaissent. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. هكذا كان سلفنا الصالحون. Et donc il m'a montré un texte. On va prendre l'ordre qu'il a choisi le frère, même si ce n'est pas l'ordre qui est cité dans le livre. Il est stipulé donc à la page 410. Abu Moussa a dit, et donc Abu Moussa, radiyallahu an, a dit, je me lave dans l'obscurité, mais je ne me déshabille pas et garde mes vêtements par pudeur devant mon Seigneur. Par pudeur devant mon Seigneur. Et donc ici l'auteur il nous montre que Abu Moussa, lorsqu'il se lavait, il ne retirait pas ses vêtements. Il a cité la source Az-Zuhd, li Ahmed, numéro 354. Je suis donc retourné vers la source, en arabe, avec la chaîne de transmission suivante, Haddathana Abdullah, le fils de l'imam Ahmed. Kole Haddathani Abi, l'imam Ahmed. Kole Haddathana Abdurrahman. Abdurrahman ici, c'est Abdurrahman ibn Mahdi. An Hammad ibn Salama. An Qatada. عن أبي مجلز قال أبو موسى رحمه الله إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي آخذا ثوبي حياء من ربي عز وجل. Et donc ici avec la chaîne de transmission qui est faible, parce que Qatada, ici, il n'a pas cité clairement qu'il a entendu Abu Mijlez lui rapporter l'information. Et Qatada, il est Moudallis. C'est-à-dire que si il ne nous cite pas clairement qu'il a entendu l'information ou qu'on lui a rapporté l'information, on ne l'apprend pas. Et donc ça, c'est concernant la chaîne de transmission. Deuxièmement, concernant le metn, concernant la parole attribuée à Abu Moussa qu'on a lu. Est-ce que Abu Moussa, ici, il nous dit que il se lavait sans retirer nous ses vêtements? Hel Abu Moussa huna yakul innahu kana yartasil duna an yanzi'a thiyabahu? La abadan, il n'a pas dit ça. Si on traduit, l'autarjamna, certes, je me lave dans la demeure assombrie, dans le noir, dans l'obscurité. Alors je ne lève pas mon dos quand je prends mon vêtement par pudeur pour Allah. On peut traduire comme ça. Ou alors on peut traduire en disant je ne lève pas mon dos, lève pas mon dos jusqu'à ce que je prenne mon vêtement. C'est-à-dire qu'il va se doucher accroupi ou assis, mais en tout cas il n'est pas debout. Mais ensuite les frères, voyons voir un peu plus. Le même texte a été cité dans Hilyatul Awliya, toujours selon Abi Moussa, qui dit en arabe Inni la artasilu fil baytil muzlim fama uqimu sulbi hatta akhudha thawbi haya'an min rabbi azza wa jal. Il dit là cette fois-ci clairement, mais toujours avec une chaîne de transmission faible. Certes, je me lave dans la maison assombrie et je ne lève mon dos, je ne lève pas mon dos tant que je ne prends pas mes vêtements. Je ne lève pas mon dos avant de prendre mes vêtements par pudeur envers Allah Azza wa Jal. Et donc, est-ce qu'ici il nous dit qu'il prend sa douche avec ses vêtements? Non, jamais. Jamais. En sachant que le frère qui est venu me poser la question, il m'a dit oui, parce qu'il y a une sœur qui prend sa douche avec ses vêtements, parce qu'elle dit qu'elle a vu ça dans... Mais ça a été attribué au pieux prédécesseur. C'est pas fini. Tayyib, la chaîne de transmission toujours faible pour la même cause qu'avant. Wa fi ta'zim qadr as-salat lil marwazi. Il a aussi été rapporté, toujours selon Abu Moussa, chaîne de transmission toujours faible. Inni la artasilu fil baytil muzlimi fama uqimu sulbi haya'an min rabbi hatta akhudha thawbi. La même signification que j'ai citée précédemment. Je ne lève mon dos jusqu'à ce que j'ai pris mes vêtements. Et donc, ces trois texte rapporté avec une chaîne de transmission faible, il n'y en a aucun qui stipule que Abu Moussa s'est lavé avec ses vêtements. Mais attention. Fi musannaf ibn Abi Shayba. Bi isnadin sahih. An Abi Moussa radiyallahu anhu qol: Inni la aghtasilu fil baytil muzlim. فأحني ظهري إذا أخذت ثوبي حياء من ربي. Dans le Moussannaf d'Ibn Abi Shayba, avec une chaîne de transmission authentique, jusqu'à Abu Moussa, Abu Moussa donc qui dit radiallahu anhu, certes je me lave dans la maison assombrie et je baisse mon dos, c'est-à-dire je me baisse lorsque je prends mes vêtements par pudeur envers Allah. Chaîne de transmission authentique. Est-ce qu'à un moment, il nous dit, Abu Moussa, je prends ma douche avec mes vêtements par pudeur envers Allah? Non. Non. Deuxième texte rapporté ici. Il nous dit, Al-Hassan mentionna Othman. Al-Hassan, ici, Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, on l'a déjà dit, huwa mudallis. Et donc, même chose, Al-Hassan al-Basri, il est mudallis. On n'accepte pas s'il ne cite pas clairement, s'il a entendu, ou si on lui a rapporté, ou autre. Et donc, tant qu'il ne nous dit pas clairement, on n'accepte pas. Et donc, Al-Hassan al-Basri mentionna Othman et son extrême pudeur. Et il dit, il était chez lui, porte fermée, mais ne retirait pas ses habits pour verser l'eau sur lui. La pudeur l'empêchait de prendre ses aises. En arabe, c'était la pudeur l'empêchait de se mettre debout. Yukima sulba aussi. Et donc, ici aussi, le texte il est faible. On ne peut pas l'attribuer à Othman. Pourquoi? Parce que Al-Hassan al-Basri n'a pas clairement cité sa source. On ne peut pas accepter. Et donc, les frères, j'attire votre attention sur ça. Pourquoi est-ce que le frère, je ne lui ai pas donné une réponse spécifique à lui, mais je donne une réponse générale? Parce qu'il faut, au bout d'un moment, il faut sonner la sonnette d'alarme. Parce que c'est trop. C'est trop. Combien de nos frères, à chaque fois, on leur dit « Daïman, la ta'khudhu an kulli man takallama fid din. » Ne prenez pas de toute personne qui parle de la religion. Intabihu, faites attention. La parole d'Ibn Sirin, inna hadha al-amra dinun. Fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Certes, ce sujet est une religion. Alors regardez de qui vous prenez votre religion. Qui est l'auteur du livre? Qui est l'auteur? J'ai demandé à plusieurs frères aujourd'hui. Donc l'auteur, il écrit son nom ici. Compilation et traduction, docteur Nabil Aliwan. J'ai demandé aux frères, est-ce que vous le connaissez? Ouais, non. Est-ce que vous connaissez son manhaj? Est-ce que vous connaissez sa croyance? Est-ce que vous connaissez quelque chose? Non. Taïb. Et Akhi, est-ce que tu as ce livre dans... Est-ce que tu as ce livre chez toi? Oui. Est-ce que tu connais l'auteur? Non. Taïb. Et Akhi, est-ce que tu as ce livre chez toi? Oui. Est-ce que tu connais l'auteur? Non. Yahoua, vous n'avez pas peur de finir égaré ou quoi? Combien ils sont partis en Syrie comme ça? Vous pensez que vous êtes préservé? Il faut faire attention. On ne sait pas qui est l'auteur. Mais par contre, il a marqué sur son livre les pieux prédécesseurs. Et donc, c'est bon. Il a marqué les pieux prédécesseurs, c'est fini. Ça, c'est un bon livre. Non. Intabihu, faites attention. Nos pieux prédécesseurs ne prenaient pas de n'importe qui. Hakadha kana salafuna salihun. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Ils ne prenaient pas de n'importe qui. Alors faites attention. Faites attention, préservez votre religion. Et ce n'est pas à chaque fois que vous voyez un livre avec marqué Salaf, ou avec marqué Din, ou avec marqué Islam, ou autre. Ah, il est bien, on prend. On prend. Et là, aujourd'hui, ce livre-là, ne me demandez pas si à l'intérieur c'est bien ou pas, je ne l'ai pas lu. J'ai lu deux Ether. Les deux étaient faibles. C'est tout ce que j'ai lu dans ce livre. Je n'ai pas lu plus de textes, plus de FR que cela. Et donc, ne me demandez pas si au final il est bien ou pas. Moi, personnellement, je préserve ma religion, que ce soit en arabe ou en français. Je ne prends pas la science de ceux que je ne connais pas. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.